l'amour et la haine, entre l'amour et la haine. Le monde déconne, j'en déconnecté, plus rien n'étonne, car plus d'honnêteté, les hommes s'isolent, puis s'entretuent, les mots se dissolvent pas, ça continue. Le monde déconne, j'en déconnecté, plus rien n'étonne, car plus d'honnêteté. Les meufs sont bonnes, pleines de silicone. Quand la terre résonne, gronde par des cyclones. Trop conne, cette réalité, c'est fait pas normaux. Y'a pas d'icônes, que des drames phénoménaux. Des gens ont faim, la crise est capitale. Mais l'humain ne jure que par le capital. Amour décapité, personne peut le capter. C'est dit caché derrière ces vérités cryptées. Toutes ces choses que la politique te cache, car c'est une mafia qui sublime le cash. Bordel, j'suis pas de ceux qui prenez la côte, c'est pas comme ça que le monde aura la côte. Bombe, viol, crime et autres attentats. Le bien a toqué, mais il attendra. Entre l'amour et la haine, entre l'amour et la haine. Le monde déconne, j'en déconnecté, plus rien n'étonne, car plus d'honnêteté, les hommes s'isolent, puis s'entretuent. Moi se dissolve pas, ça continue. Entre l'amour et la haine, tout est flou, tout me freine. Je ne peux pas compter même sur moi-même. Les amis sont des menteurs, obligés d'agir seul. Quand dans le cauchemar, tu te noies, même si tu brasses aucune échappatoire. Perdu dans un gonfle infernal, rendez-vous avec le diable. Un monde qui pète les plombs, la terre est peut-être ronde. Mais en tout cas, ça tourne pas rond. À contresens, plus personne n'est censé. Limite, moi aussi, si sage dans le passé. Le présent qui me dégrade, le futur à pour présage. Le pire, j'ai de nombreuses envies, dont une celle de réussir pour le meilleur. Pour le pire, je continuerai de vivre. Un cerveau en éruption, la lave c'est notre rage. Quand tu te bats, ça tu fais lâche. Mais à ce pas là, le cul entre deux chaises. Je suis au bord du drame, entre l'amour et la haine. Entre l'amour et la haine, entre l'amour et la haine. Le monde déconne, j'en déconnecté, plus rien n'étonne, car plus d'honnêteté, les hommes s'isolent, puis s'entretuent, les mots se dissolvent pas, ça continue. On m'a dit que l'amour me ferait du bien, mais je ne crois plus en rien, je ne vois plus rien. Par contre, la haine, bizarrement, me redresse. Pourtant, je la déteste, car elle embrouille mes rêves. Entre l'amour et la haine, il y a un choix à faire, soit c'est la merde. La haine te ronge et te saigne, soit l'amour te propose une vie de rêve. Vue du 7ème ciel, faites le bon choix pour ne pas regretter plus tard. Ce monde me désole, alors des fois je m'isole. On est souvent si seul comme des gens enterrés sous le sol. Car ma haine a niqué tout mon amour. Et je t'avoue que je confonds trop la nuit et le jour. Mon cœur se perd et puis devient pierre. Il aime son père et j'irai toujours à prendre l'air. Je flaire que ma vie comme ce monde saigne. Toi comme on vit tous entre l'amour et la haine. Entre l'amour et la haine. J'en déconnecté, plus rien n'étonne, car plus d'honnêteté, les hommes s'isolent, puis s'entretuent, les mots se dissolvent pas, ça continue.